Océane, tu vas maintenant donc nous parler des relations franco-iraniennes. J'ai lu en effet que la France et l'Irak avaient signé une feuille de route en début de mois. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus de quoi il s'agit ? Oui, évidemment. Alors, lors de la visite à Paris du Premier ministre irakien, Adel Abdelmehdi, la France et l'Irak ont effectivement signé une feuille de route stratégique, document qui n'a pas été publié mais dont les grandes lignes ont été dévoilées lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron le 3 mai, le même jour où l'état-major français annonçait la dissolution de la Task Force Wagram, le détachement d'artillerie qui combattait Daesh dans le nord de l'Irak depuis 2015, dans le cadre de la coalition menée par les États-Unis. Cette task force ramène d'ailleurs avec elle les canons César utilisés sur le terrain. En insistant sur le besoin d'un Irak démocratique, le président français a également déclaré vouloir rester un partenaire de premier plan en les aidant à renforcer leurs capacités antiterroristes, à protéger leurs frontières, à réarmer leur appareil sécuritaire, notamment en contribuant à l'intégration et la reconversion de nombreux combattants, tout en augmentant l'aide de la France dans la reconstruction du pays. Alors, si les termes de cette feuille de route sont un peu flous, apparemment, ils concerneraient aussi le domaine héliporté, dans la continuité des contrats passés entre Airbus Hélicoptère et l'Irak depuis 2010. En tout cas, aujourd'hui, avec la dissolution de la Task Force, il reste surtout dans la coopération défense franco-irakienne la question de la formation des troupes. Cette feuille de route, elle complète un peu la coopération qui existe déjà entre la France et l'Irak, avec un peu plus de formation et de surveillance aux frontières. Et comment ça se fait qu'il y ait une telle coopération entre la France et l'Irak ? Alors, la coopération entre la France et l'Irak est assez historique, en fait. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été passés avec l'Irak depuis 93, 76 exactement. Aujourd'hui, 14 de ces accords sont en vigueur, sur des sujets aussi variés que la coopération culturelle, les fonds d'investissement, le tourisme, l'économie, les hydrocarbures, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, la sécurité intérieure et évidemment la défense. De plus, l'Union européenne est impliquée depuis 2003 dans la reconstruction irakienne, que ce soit politique, sociale ou bien sûr des infrastructures. Et puis surtout, avant 1990, l'Irak était l'un des principaux clients de l'industrie française d'armement. Bon, forcément, à partir de 90, ça s'est un petit peu calmé. Même beaucoup. Et depuis 2003, les armées irakiennes sont équipées par les Américains, un peu par la Chine et la Russie pour des commandes d'hélicoptères, notamment depuis 2014, soit le début de la lutte contre Daesh. Alors, l'adoption d'une feuille de route défense entre la France et l'Irak, ça sort pas de nulle part, du coup. Y a des relations diplomatiques, économiques, de défense qui existent depuis un moment, et qui se sont renforcées depuis la lutte contre Daesh en Syrie et dans une partie de l'Irak. D'ailleurs, cette année, une rencontre France-Irak avait déjà eu lieu le 26 février, et les déclarations avaient été plus ou moins du même ressort, sans toutefois qu'un document ne soit signé. Et donc, est-ce que cette coopération s'inscrit dans cette continuité de relations ou est-ce qu'elle est renforcée ? Alors, la coopération, elle continue. Elle s'est un peu renforcée, comme j'ai dit, depuis Daesh. Mais il pourrait y avoir un renforcement un peu plus significatif à cause de la situation entre les États-Unis et l'Irak, qui est relativement tendue. Non pas à cause en soi de l'Irak, mais à cause de l'Iran. Effectivement, le conflit qui oppose les États-Unis à l'Iran et la proximité géographique, religieuse, économique et politique entre l'Irak et l'Iran pose des problèmes dans la relation États-Unis-Irak. Le premier ministre irakien, donc Abdelmehdi, aurait apparemment tenté sans succès d'aller voir Donald Trump à Washington. Le président américain aurait refusé ses visites en estimant que l'Irak en fait ne coopère pas assez dans l'application des sanctions contre l'Iran. Alors du coup, un accord avec la France, ça permettrait de se détacher des tutelles américaines et iraniennes sous lesquelles l'Irak vit depuis maintenant plusieurs années. Même si, il faut bien noter que c'est un détachement qui est très limité. La France sait très bien que l'Irak est une chasse gardée américaine. D'ailleurs, le 7 mai, Mike Pompeo a fait une visite surprise à Bagdad pour contrer une escalade des tensions qui a été attribuée par les États-Unis à l'Iran, qui est soupçonné de préparer une attaque contre certaines forces américaines postées dans la région. Aller en Irak alors qu'il y a une escalade des tensions avec l'Iran, ben c'est un moyen de mettre la pression sur l'Irak, de les obliger à choisir leur camp, sachant que en plus les États-Unis ont envoyé un porte-avions et des bombardiers dans la région. Et justement, en parlant de la région, ça donne quoi la position de l'Irak ? Alors, la question régionale, c'est extrêmement important pour l'Irak, parce que, alors si vous regardez une carte, j'espère que vous en regardez une au moment où je vous parle, mais sinon je vous conseille vraiment d'aller regarder, l'Irak, elle est coincée entre l'Iran, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, et elle possède qu'un accès assez limité à la mer via le golfe Persique. Ça en fait presque un état enclavé, en fait. La stabilité de la région, et dans ce cas, en fait, plutôt le manque de stabilité de la région, a un impact assez énorme sur un pays qui est toujours très fragile. D'où le fait qu'Emmanuel Macron, lors de sa conférence, ait beaucoup insisté sur l'importance de la stabilité démocratique du pays, qui est, je cite, « déterminante pour la stabilité de la région tout entière ». Alors, quand vous regardez les pays frontaliers, vous pouvez que comprendre les luttes et les problèmes auxquels l'Irak fait face, alors pas seul évidemment, mais elle y fait face tout de même. Il y a la question kurde, alors qui est partagée par la Turquie et la Syrie, qui est gérée de manière très très différente dans les trois pays, mais qui est toujours délicate en Irak, malgré la création du Kurdistan irakien. Alors évidemment, il y a Daesh, implanté en partie en Irak et en Syrie, même si... la zone de territoire contrôlée a été énormément réduite, c'est toujours un problème. Il y a la rivalité régionale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il y a le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Alors à l'est, plus loin de ces frontières, il y a la question israélienne et le conflit qui oppose Israël à pas mal des pays de la région. L'escalade des violences assez récentes et assez régulières malheureusement. Plus au sud, donc pas sur son espace frontalier, il y a aussi la guerre au Yémen et une situation plus que tendue au Soudan, dont on a parlé dans l'épisode dernier. Et alors, bien que l'Irak n'ait pas un grand accès à la mer, il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de la montée des eaux, qui provoque de vastes inondations, et ça commence à être un problème de taille pour l'Irak, et d'ailleurs c'est aussi un problème de taille pour l'Iran. La question des ressources en eau et de la protection du territoire contre la crue des océans, ça va se poser de plus en plus pour l'Irak, d'une part, mais également pour nous tous. D'ailleurs, Carolina, je ne sais pas ce que t'en penses, mais ce serait intéressant d'inviter un expert sur le sujet pour un de nos grands dossiers, le réchauffement climatique ou le changement climatique et les effets de la montée des eaux sur la sécurité internationale. Ça tombe bien, c'est justement un thème que j'ai en tête depuis un moment, auquel je suis assez attachée, raison pour laquelle ce serait super d'avoir un expert nous parler de ça. Et sinon, pour revenir à notre sujet, comment est-ce que l'Irak a géré la question de Daesh ? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très discuté, mais depuis 2018, l'Irak a condamné plus de 510 djihadistes. 44 sont en cours de jugement et 11 ont été acquittés. L'Irak a pris la responsabilité que beaucoup d'États, notamment les États européens, tentent de ne pas endosser, c'est-à-dire le jugement des terroristes partis à l'étranger. Alors, l'Élysée, donc la France, se défend de proposer une plus grande coopération militaire, donc la signature de la feuille de route, en échange de la collaboration de Bagdad sur la question des djihadistes. Parce qu'en effet, il y a quelques djihadistes français qui ont été capturés en Irak, et 13 autres qui ont été transférés depuis la Syrie, depuis 2019, en Irak. Donc en ce moment, il y a pas mal de djihadistes de nationalité française. En avril, il y a des sources gouvernementales irakiennes qui ont fait savoir que leur pays était prêt à juger les terroristes étrangers, pas seulement français, en échange d'1,8 milliard d'euros. Alors la France avait répondu ne pas avoir reçu de demande précise de la part de l'Irak pour la contribution financière demandée à la France, même si elle estime que demander de l'argent pour avoir les moyens de juger, d'enfermer et de faire vivre tout simplement les prisonniers, c'est relativement normal. Mais alors, vous voyez bien que la question de Daesh, elle est présente un peu partout dans ce dossier franco-iranien, et ce depuis 2014. Plus d'ailleurs que la question iranienne, qui, elle, semble avoir beaucoup plus d'importance dans la relation États-Unis-Irak que dans la relation France-Irak. Est-ce que dans tout ça, l'Irak compte s'ouvrir plus à l'étranger, sur d'autres pays, et à diversifier ses relations ? Alors, l'Irak serait prête à signer un contrat de 53 milliards de dollars avec Exxon et PetroChina sur 30 ans. Ce qu'il faut bien comprendre économiquement pour l'Irak, c'est que les décennies de sanctions qui ont suivi les deux guerres en Irak ont beaucoup pesé sur les exportations irakiennes et donc sur son économie. D'un autre côté, l'Irak, qui a beaucoup d'accords avec l'Iran, s'inquiète du retour des sanctions sur l'Iran de la part des États-Unis et de la dégradation générale des relations de l'Occident avec l'Iran. Mais ils auraient réussi à obtenir des Américains une possible dérogation sur des échanges pétroliers avec l'Iran si un accord pétrolier est passé avec les États-Unis. Alors, je parle beaucoup de pétrole, mais c'est parce que l'économie irakienne dépend en très grande partie des hydrocarbures. L'Irak possède la quatrième plus grande réserve d'hydrocarbures au monde, derrière le Venezuela, l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui est à la fois un avantage économique certain, mais aussi une dépendance très néfaste. Les mouvements des prix du baril de pétrole ont un impact énorme sur son économie, son PIB, l'investissement public, la reconstruction du pays après les deux guerres qui ont détruit une partie de leur infrastructure. En plus, le pétrole étant par nature une ressource limitée, le pays a besoin de diversifier son économie pour faire face à un futur sans hydrocarbures. Et dans cette transition économique, la question de la corruption en Irak est un obstacle majeur. Donc pour répondre plus simplement à ta question, Carolina, oui, ils essaient, mais je ne serais pas capable de vous dire dans quelle mesure ils sont prêts ou ils veulent quitter la tutelle américaine. Merci Océane pour cette vue d'ensemble de la question. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous le mois prochain pour un épisode complet.